L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Jean-Christophe Meurice, nous allons parler d'un spectacle qui sera très prochainement à l'affiche de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise, les 24, 25 et 26 janvier prochains, pour être précis, pour trois représentations. Je dois préciser que le collectif que vous ne dirigez pas, tout en le dirigeant, vous allez nous dire un petit peu ce qu'il en est, c'est un collectif en tout cas qui est en résidence artistique à la scène nationale de Cergy-Pontoise. Et vous venez nous présenter le spectacle qui a pour titre « Nous avons les machines », une création collective qui a été, je crois, créée en 2012, c'est ça ? Oui, en 2012 à la MAC de Créteil, au Centre Pompidou, et puis après ça a tourné en France. Alors, sur mon hésitation collective, pas collectif, directeur, pas directeur, quelques précisions sur votre démarche artistique. Oui, c'est pas un collectif, dans le sens, ce qu'on entend un collectif, c'est-à-dire qu'à un moment, on n'a pas décidé autour d'une table dans un café de dire on fait un collectif. Moi, j'ai appelé les gens, ils m'ont rejoint autour de moi, c'est une troupe, c'est-à-dire où il y a une tête pensante, un metteur en scène, donc moi, et des gens qui sont avec moi depuis le début. Et qui m'aide à être dans un processus effectivement collectif. Parce qu'il y a un processus collectif dans le fait qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, sur le fait que moi j'amène des situations fortes, j'amène une proposition thématique, des images, des situations, des séquences, comme on pourrait dire aussi dans le cinéma, et eux en font quelque chose à travers leur dialogue. Ils sont auteurs eux-mêmes de leurs propres paroles sur scène, c'est une écriture de plateau comme on dit. Donc c'est pour ça que c'est un processus collectif, je suis rien sans eux et eux ils sont rien sans moi. Mais néanmoins, l'organisation même, c'est que c'est pas un collectif comme on l'entend dans les années 70, mais une troupe. Une troupe d'ailleurs, c'est la culture française, la culture de la troupe. D'ailleurs, c'est un mot français, voilà. C'est-à-dire que c'est une même équipe autour d'un même metteur en scène depuis des années, et c'est notre cas, avec Nous avons les machines. Une troupe à la façon du théâtre de Molière, non ? Sans vouloir faire du tout une comparaison qui serait bien trop flatteuse, mais comment dire, oui, parce que Molière écrivait pour les mêmes acteurs et actrices, donc oui, quelque chose comme ça, oui, j'ai envie de dire, c'est l'origine même, oui. À Cergy-Pontoise, on a pu découvrir d'autres créations les saisons précédentes. J'ai en mémoire les armoires normandes. Les danseurs ont apprécié la qualité du parquet. C'était précisément dans l'édition 2016 du Festival Périphérique. Est-ce que vous faites du théâtre ou de la performance théâtrale ? Est-ce que vous faites du théâtre transgressif ? Transgressif, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que on ne fait pas de la transgression pour faire la transgression, sinon ce serait un peu réduit au niveau de l'imaginaire, et pour moi, et pour nous, et pour les spectateurs. Mais effectivement, il peut avoir, je ne sais pas non plus ce que c'est que la performance, sans vouloir être dans une coquetterie de pensée, mais oui, théâtre performance, théâtre, j'ai pas de définition. Le plus important pour moi, c'est de raconter des choses. Là, cette fois-ci, vous allez nous raconter quoi sur, au travers de cette pièce qui, je le rappelle, a pour titre « Nous avons les machines ». Nous avons les machines, c'est notre spectacle le plus nébuleux, le plus fou, je crois. D'ailleurs, c'est mon spectacle préféré, parce qu'il est souvent incernable au niveau de la thématique, puisque on commence par faire une longue réunion administrative à la mairie, ça pourrait être donc à la mairie de Cergy, où comment dire, des présidents d'associations humanitaires se réunissent et demandent à la mairie de faire une journée coup de poing pour ramasser de l'argent, pour pouvoir venir en aide, par exemple, de la famine africaine, des catastrophes naturelles dans un pays. Et donc voilà, c'est la confrontation entre deux mondes, celui qui est associatif et celui qui est un peu mairie administrative française. Et on voit qu'ils veulent organiser une journée et tout ça devrait bien se passer et ça se passe de manière assez difficile. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladresse et beaucoup de choses qui ne vont pas aller. Pourtant, il y a une belle utopie derrière, mais ça ne se passe pas comme on veut. Juste pour la petite histoire, je crois qu'au départ, vous l'avez situé dans une petite ville qui s'appelle Saint-Martins. Ouais. Juste pour information, à Pontoise, il y a la commune libre de Saint-Martins. Et nous le savions. Et vous le saviez, donc... Non, je fais extra... non, voilà. Et on a poussé donc, la dramaturgie de Nous avons les machines en faisant cette réunion-là, et on le fait en diptyque. Et on a décidé aussi de le faire après en l'an 4005, comment dire, sur une autre planète, pour voir si les choses ont évolué. Donc on a décidé d'être un petit peu futuriste. Voilà, on a quelquefois cette mégalomanie, cette prétention de penser qu'on peut voir dans le futur. Donc je laisse le suspense aux auditeurs de voir qu'est-ce qui va se passer en 4005 sur Mars entre les associations humanitaires et la mairie d'une ville de Mars. On sent que le suspense est bien mis là, je pense que tout le monde va vouloir venir, vous trouvez pas ? Je pense, mais je vais ajouter quelques éléments pour nourrir encore davantage le désir, voire le suspense. J'ai cru lire ici et là qu'au niveau de la forme, de la nudité, des coussins péteurs, un état d'esprit cher et bien identifiable des chiens de Navarre. Ouais, bah, tout ça c'est un peu accessoire, c'est ce qu'elle veut dire. Parce que... Sans vouloir réduire votre travail à cela, bien naturellement. Vous êtes aimable. Mais comment dire, oui, il y a tout ça, et oui, il y a tout ça, j'avais oublié le coussin péteur. Mais c'est vrai que c'est un élément très important. Alors que là, le suspense est à son comble. je pense, humour décalé, humour vache, humour bête et méchant, la Harakiri peut-être. Ouais, j'aime beaucoup Harakiri, ça me fait beaucoup plaisir que vous me parliez d'Harakiri. J'aime bien mes camarades qui veulent intervenir. Vous pouvez peut-être me les présenter. Alors il y a Céline Führer, tout de blonde vêtue, Caroline Binder et Maxence Tual, tout barbu vêtu. Caroline, je crois que c'est la plus ancienne dans l'équipe, non ? Non, tout simplement la plus vieille. Je viens de fêter mes 66 ans et je serai sur le plateau pourtant, hein, pour jouer Nous avons les machines à Cergy, donc rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Oui, je dois dire que le futur vous donne encore un regain de jeunesse. Il n'en est pas beaucoup de futur, vous savez. Ah, le point commun avec l'illustre théâtre de Molière, c'est qu'on a quelqu'un qui va mourir sur scène cette fois-ci. On ne sait pas encore, parce qu'on ne veut pas abîmer le suspense, mais il y a aussi une attaque mémorable du public par des hélicoptères aussi. C'est ce qui rend fou un petit peu, Nous avons les machines, c'est un montage de choses qui ne devraient pas se rencontrer et qui se rencontrent. Et c'est aussi ce qu'on aime dans le théâtre. Voilà. Votre cible, il y en a toujours qui en prennent pour leur Graal. J'ai l'impression que, pour avoir déjà vu vos précédentes créations, que un peu la classe moyenne en prend toujours pour son grade dans votre travail. Surtout les journalistes. Et surtout les journalistes en plus. Journalistes. J'ai chaud à moi, je sens un peu de sueur couler sur le visage. Alors, deuxième voix féminine qui est près de moi, présentez-vous. Céline Führer. Et dites-moi un petit peu ce travail particulier. Au départ, vous ne travaillez pas sur texte, c'est une autre forme, une autre approche du théâtre pour vous. Est-ce que vous vous sentez actrice ? Bien entendu. Et le texte, oui, bien évidemment, on est acteur à partir du moment où on fait du théâtre. Et malgré ce qu'aient pu en dire certains, c'est du théâtre ce que nous faisons. Et il n'est pas nécessaire que le texte ait été écrit au préalable. Nous l'écrivons nous-mêmes, souvent en direct. Et pour revenir, j'ai répondu rapidement à votre question et je reviens à la précédente parce qu'on n'y a pas répondu. Non, on n'attaque pas une classe moyenne, ni les associations, ni les administrations. Ni... On parle de nous. C'est-à-dire qu'étant dans l'improvisation, très souvent, on s'inspire de ce qu'on connaît. Et donc, voilà, on porte un regard moqueur qui n'est pas un jugement. Et la moquerie, si elle est portée, c'est avant tout sur nous-mêmes. Personne n'est sauvé dans cette histoire, ni nous, ni vous, tout ça. Le but, c'est de ne pas avoir de jugement ni de condamnation. Vraiment, pour le coup, on est quand même dans une autre forme de provocation. On est très, très loin de Rodrigo Garcia, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, un chic type. Mais comment dire... Il n'y a pas de jugement ni de condamnation. C'est représenter les maladresses. C'est ça qui nous importe le plus. Donc, ça n'empêche pas la moquerie, hein, ou une forme de dérision, une forme de décalage, et une forme de férocité, une corrosion. Mais on espère, en tout cas auprès des spectateurs, qu'ils n'y sentent pas une condamnation, même s'ils se voient dans ce miroir. Plus corrosif que caricatural ? Ce n'est pas des caricatures, ce sont des esquisses, dans la grande tradition de l'esquisse française au XIXe siècle. D'ailleurs, on s'est inspiré beaucoup du XIXe siècle pour cette pièce, paradoxalement, notamment des mémoires du président Schreber, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était une pièce sur la paranoïa, la grande paranoïa, et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on part toujours de Proust pour arriver au coussin péteur, mais ce qui compte, c'est quand même qu'on est parti de Proust à un moment, et c'est ce qui nous caractérise, je crois. Alors, j'en reviens, non pas au coussin péteur, mais à la nudité, parce qu'effectivement, au niveau de la forme, il est question, me semble-t-il, d'effrayants masques. J'ai vu quelques photos qui vont secouer un peu les spectateurs, non ? Oui, c'est vrai qu'on aime beaucoup accueillir le public. On est très attentionné à leur accueil, à leur manière, comment ils vont s'asseoir sur les sièges, comment ils vont regarder le plateau, comment ils vont ouvrir la porte, comment ils vont être accueillis par l'ouvreuse. Tout ça, c'est pour nous venez voir, Nous avons les machines, rien que déjà pour voir comment vous allez être accueillis. Mais vraiment avec bienveillance, avec amour, avec générosité. Alors effectivement, on est nu et en masqué, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour. Comment dire ? Donc on propose une entrée publique la plus festive proposée pour la région du 9-5. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui fait, je ne sais pas, votre marque de fabrique, peut-être pas, mais en tout cas, vous le mettez en avant sur votre travail, alors je ne sais plus quoi dire, collectif ou pas, esprit de bande en tout cas, de théâtre. C'est le travail basé sur l'improvisation, c'est-à-dire qu'au-delà du texte, c'est vraiment, quelles que soient les créations précédentes, et peut-être les futurs, toujours le jeu d'acteur qui prime dans votre travail. Oui, c'est surtout un théâtre d'acteurs et surtout c'est l'humain qui prime. Ce n'est pas un théâtre d'idées, ni un théâtre de scénographique. Pourtant, il y a de la scénographie, il y a des idées, je rassure quand même les auditeurs. Il y a, de très bons acteurs, pas tout le temps, parce que de toute façon, l'art, on a le droit d'être bête aussi. On prône un peu la bêtise dans l'art. Il faut toujours être un peu intelligent quand on fait quelque chose d'artistique. Or, en fin de compte, il faut prôner un peu de bêtise, la bonne bêtise. La pulsion. On le dit aussi avec un grand I, bien sûr. Aussi. Mais la bêtise, ouais. Mais non, bien sûr qu'il y a de l'improvisation parce que, comment vous expliquer ? Moi, je ne suis pas un très bon auteur. Et ils sont bien meilleurs auteurs que moi. Par contre, moi, je propose un imaginaire très fort et encore une fois, une éventuelle dramaturgie, des montages, des idées, justement. Et pour le coup, c'est comme ça que ça se construit par une entente depuis 10 ans, comme ça, mutuelle. Donc, l'improvisation, ça m'intéresse pendant les répétitions et pendant les représentations. Parce que tous les jours, ça change. Si vous venez voir Nous avons les machines 3 fois, et je vous le propose, d'ailleurs pour ceux qui viendraient 3 fois, il y aura un tarif préférentiel, ça changera parce que les dialogues ne seront pas les mêmes, ils seront dans les mêmes personnages, dans les mêmes fonctions, il y aura le même canevas, la même trame, mais par contre ça ne sera pas du tout les mêmes dialogues, donc la même humeur. Des fois ce sera plus colérique, plus joyeux, plus dada. J'aime ça parce que ça change tous les jours. Tous les jours, je ne vois pas le même film. Ça n'est pas déstabilisant pour les comédiens, les comédiennes ? Si, mais c'est excitant, c'est ça qui nous intéresse, en tout cas dans ce travail-là, oui. Et au-delà même de ça, c'est essentiel, c'est presque constitutif à la façon dont on travaille pour qu'on puisse nourrir les choses. Pour que ce dont Jean-Christophe vient de parler soit possible, il faut qu'il y ait un rapport au présent, une sorte d'intranquillité, une façon de se mettre en jeu les uns les autres, qui puisse être renouvelé et renouvelable pour pas qu'on finisse par ronronner dans quelque chose de complaisant. Et si c'est déstabilisant, tant mieux finalement. Le théâtre a la réputation d'être très chiant, quoi. Beaucoup de gens vous disent « je vais pas au théâtre parce que j'ai peur de me faire chier ». Et c'est vrai. C'est vrai qu'on se fait chier beaucoup au théâtre. Moi-même, j'ai très peur de ça. Et pourtant, c'est là où j'ai mes plus grandes émotions. Est-ce que votre désir le plus profond, c'est pas de toucher, d'élargir des publics qu'on dit aujourd'hui le non-public, car il existe bel et bien dans notre pays ? Mais c'est que ça, parce que moi, quand j'ai commencé le théâtre, j'avais 20 ans. Je connaissais pas du tout le théâtre là d'où je venais, fin fond de ma Bretagne. Donc pour moi, c'était une entité un peu lointaine, nébuleuse, où c'était des perruques poudrées avec Molière et tout ça. Ça l'est toujours un peu, ou alors mon cul sur la commode avec des stars de la télé. Et ça l'est un peu, vous voyez, et en fin de compte, les fois où je suis allé voir des compagnies françaises, étrangères, où j'ai vu un vrai théâtre populaire mais exigeant à la fois, hein, pas populiste mais populaire, c'est là que j'ai mes plus grandes émotions, c'est là que j'ai vu que l'État était rempli. Et c'est vrai que moi, d'où je viens, de ma formation même, de mon éducation même, c'est-à-dire nos théâtres, j'ai toujours cette volonté de remplir et d'aller chercher des gens qui d'habitude ne vont jamais au théâtre, de pouvoir en même temps rire et en même temps réfléchir à la fois. Là je deviens un peu sérieux, mais voilà. Parce que quand je dis théâtre chiant, je caricature, je provoque justement un petit peu. Mais c'est vrai, il y a de ça. Moi, j'ai souffert que ce ne soit pas aussi accessible, que ce soit lointain, que ce soit un peu figé aussi dans la manière. Moi, ce qui me dérange toujours, c'est quand on va au théâtre, que ce soit des gens qui font du théâtre ou des gens qui vont voir le théâtre, c'est toujours qu'est-ce qu'on va voir comme texte ou qu'est-ce qu'on monte comme texte quand on est compagnie. Je crois à la force, à la puissance dramaturgique et imaginaire du théâtre. Je crois à la force populaire de ça, bien plus que n'importe quelle autre fiction donnée par des acteurs, on va dire, œuvre donnée par des acteurs. Je crois vraiment à la force de ça. Et donc, on essaye toujours, on est en train de faire une nouvelle pièce, on essaye toujours de penser à celui qui ne va jamais au théâtre. Sans pour ça le bêtifier, hein, entendons-nous bien. Nous avons Les Machines, vous l'avez compris, c'est un spectacle à découvrir à Cergy Pontoise, donc à l'affiche à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise durant 3 dates, je les rappelle à nos auditeurs, les 24, 25 et 26 janvier prochains.